بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On va commencer donc aujourd'hui le cours numéro 19 dans l'explication des règles de la salat dans le livre Sharh Adab al-Mashi ila al-Salat du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec les explications du Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad حفظه الله تعالى. Et on est arrivé au point où le Cheikh il dit وَيَسُنُّ ذِكْرَ اللَّهِ وَالدُّعَاء وَالِاسْتِغْفَارِ عَقْبَ الصَّلَاةِ فَيَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ ثَلَاثًا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وما ذكره الشيخ رحمه الله من الذكر بعد الصلاة جاء عن أربعة من الصحابة وهم عائشة وثوبان وعبد الله بن الزبير والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم. Ok, donc le cheikh il explique que il faut après la salat il est recommandé de faire le rappel d'Allah et de faire les invocations et de demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala après la salat. Donc quand on termine la salat, on fait le taslim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. La première chose, c'est de dire trois fois astaghfirullah. Donc tu dis astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Après tu dis Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Et tu dis ensuite les autres invocations. La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahul ni'ma wa lahul fadl wa lahul thana wal hasan la ilaha illallah mukhlisina lahud din wa law kariha al kafirun allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'ti lima mana't wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd. Et chacun de ces invocations là est rapporté de la part des sahaba. Parmi eux, quatre d'entre eux, les Sahaba, Aisha, Thawban, Abdullah ibn Zubayr et Al-Mughira ibn Shu'ba. Et Aisha radiallahu anha, c'est elle qui a rapporté Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram, et c'est rapporté par l'imam muslim. En ce qui a rapport avec le fait de dire trois fois astaghfirullah, ça c'est rapporté selon Thawban. Un autre parmi les Sahaba qui s'appelle Thawban radiallahu anhu, et ça aussi c'est rapporté par l'imam muslim. En ce qui concerne les autres invocations, le fait de dire la ilaha illallah wahdahu la sharika lah jusqu'à ce que tu dis walau kariha al kafirun, ça c'est rapporté par Abdullah ibn Zubayr dans Sahih Muslim aussi. Et l'autre narration qui est rapportée selon Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, c'est le fait de dire la ilaha illallah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc si on peut essayer d'expliquer en même temps un peu la signification de ces paroles là. Donc quand on dit astaghfirullah, ça c'est de demander à Allah pardon, hein, de demander qu'il efface nos péchés et qu'il nous pardonne pour nos péchés. Le fait de dire anta as-salam wa minka as-salam, c'est-à-dire oh Allah, de toi vient la paix et tu es la paix et de toi vient la paix. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, un de ses noms c'est as-salam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala c'est as-salam, et as-salam dans le sens qu'il est exempt de toute imperfection, de tout défaut, et également le fait qu'il est une source de bien, une source de paix, et c'est de lui que vient la paix. Et tabarakta ya dhal jalali wal ikram, que tu sois béni, ô toi qui détient la majesté et la noblesse et la générosité. Et la ilaha illallah, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Wahdahu la sharika lah, lui seul sans aucun partenaire, له الملك وله الحمد, à lui appartient le royaume et à lui appartient la louange. وهو على كل شيء قدير, il a le pouvoir sur toute chose. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول, الحول c'est le mouvement, hein? Donc il n'y a pas de mouvement ni de force excepté par Allah. لا إله إلا الله, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et nous n'adorons que lui. ولا نعبد إلا إياه, c'est-à-dire nous n'adorons que lui seul. له النعمة وله الفضل, à lui est la grâce, à lui est la ni'ma, c'est la grâce, ou al-fadl, le mérite, on peut dire aussi la grâce, ou al-thana al-hasan, et la belle éloge, ou la ilaha illahu, la ilaha illallah, rien ne mérite d'être adoré excepté lui, mukhlisin al-huddin, en lui purifiant notre culte et notre adoration, et en faisant en sorte que notre adoration soit pour lui avec ikhlas. Donc on purifie notre religion pour lui. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, même si cela déplaît aux mécréants. لَا اللَّهُمَّ لَا مَانِعْ لِمَا أَعْطَيْتَ, oh Allah, personne ne peut retenir ce que tu donnes. وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ, et personne ne peut donner ce que tu as retenu. وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدُّ مِنْكَ الْجَدُّ, c'est-à-dire وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدُّ مِنْكَ الْجَدُّ. Attendez, laissez-moi, je vais vérifier mes notes là. Donc al-jadd c'est al-hazz ou al-nasib. لَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدُّ مِنْكَ الْجَدُّ, يعني al-jadd ça peut vouloir dire al-jadd, يعني al-jalal wal-azama, et aussi يأتي بمعنى الحظ والنصيب كما في ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Donc ici c'est يعني la richesse, la grâce, hein, la portion que Allah donne, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala donne à quelqu'un comme grâce et comme bien. Donc ولا ينفع ذا الجد, donc celui qui possède la richesse ne peut profiter que yani, si Allah a donné, parce que c'est de Allah que vient le bien et la richesse et tout ce qui est de bon, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas celui qui détient la richesse ou du bien qui peut te profiter, c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on a mentionné ça. Maintenant le cheikh il dit, cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit thumma yusabbihu wa ويحمد يحمد ويكبر كل واحد ثلاثا وثلاثين ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قبل أن يتكلم أحدا من الناس أو قبل أن يكلم أحدا من الناس اللهم أجرني من النار سبع مرات. Donc le cheikh dit, ensuite tu vas dire 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah et 33 fois Allahu Akbar, et à la fin quand tu as complété 100, ça dit tu as fait 33 33 33, ça fait 99, pour compléter le 100 tu dis la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu al-mulk wa lahu al-hamd وهو على كل شيء قدير. Et après salat al-fajr et après salat al-maghrib, avant de parler à quelqu'un tu dis, ou avant de t'adresser aux gens, ou de commencer à parler avec les gens, tu dis Allahumma ajirni minan nar 7 fois. Toutefois cette parole de Allahumma ajirni minan nar, ça c'est pas rapporté dans un hadith authentique. Donc le cheikh Abdul Muhsin par la suite il va expliquer que cet ajout là, ça c'est pas dans la sunna, c'est-à-dire c'est pas authentique. Donc on ne dit pas Allahumma ajirni minan nar 7 fois. Toutefois, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a d'autres invocations aussi qu'on peut dire, comme par exemple le fait de dire Sayyidul Istighfar. Allahumma c'est quoi le Sayyidul Istighfar? اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ça c'est sayyid al-istighfar. Tu peux le dire après le maghrib et après le fajr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui récite ces du'a-là dans ces deux moments, le matin et le soir, eh bien Allah va lui effacer ses péchés le matin et le soir, comme on enlève l'écume sur l'eau ou quelque chose dans ce sens-là. Donc pour dire que c'est des péchés qui sont effacés, et il le mentionne justement à ce sujet-là, il dit « La ilaha illallah » donc « yukabbir » il dit « Yadullu li dhalika hadithu Abi Huraira » حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت زبد البحر رواه مسلم وحديث اللهم أجرني من النار رواه أبو داود وفي إسناده مقال انظر السلسلة الضعيفة للألباني. Donc ici Abu Huraira رضي الله عنه il dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, celui qui dit 33 fois subhanallah après chaque prière et qui dit alhamdulillah 33 fois après chaque prière et qui dit Allahu Akbar 33 fois après chaque prière, ça fait 99, et il complète la 100, il complète 100 en disant la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. On va lui effacer ses péchés comme on enlève l'écume sur l'eau, ou bien la mousse sur l'eau, sur l'océan. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est rapporté par un musulman. Et en ce qui concerne le hadith Allahumma ajirni min an-nar, ça c'est un hadith rapporté par Abu Daoud, sauf que dans la chaîne de narration de ce hadith, il y a des choses qui ont été mentionnées à propos de sa faiblesse, donc on ne doit pas le dire. Ensuite il dit wa qawluhu wal israr bid du'a afdal wa kadha bid du'a al ma'thur wa yakunu bi ta'addub bi ta'addub wa yani bi khushu' wa hudur qalbin wa raghbatin wa rahba li hadithi la yustajabu ad du'a min qalbin ghafil wa yatawassalu bil asma'i was sifati wat tawhid wa yataharra awqat al ijaba wa hiya thuluth al layl al akhir وبين الآذان والإقامة وأدبار الصلاة المكتوبة وآخر ساعة يوم الجمعة وينتظر الإجابة ولا يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي ولا يكره أن يخص نفسه إلا في دعاء يؤمن عليه ويكره رفع الصوت. Donc, Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab, il dit, il est recommandé de ne pas faire dua à voix haute ou de parler fort pendant le dua. C'est mieux de baisser la voix et de faire le dua par qu'est-ce qui a été rapporté de façon authentique de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths, et d'avoir le bon comportement et la bonne manière lorsqu'on fait les invocations, de faire les duas, les invocations avec concentration, avec humilité, avec la présence du cœur, avec espoir et crainte. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, Allah ne va pas répondre à l'invocation qui est faite d'un cœur insouciant. Donc la personne qui fait des invocations avec le cœur insouciant, Allah ne l'exauce pas. Et de demander à Allah par ses noms et par ses attributs et par l'unicité d'Allah, et de chercher les moments dans lesquels Allah exauce l'invocation, et parmi ces moments-là, le dernier tiers de la nuit, et également entre le adhan et l'iqama, et également à la fin des prières obligatoires, et aussi la dernière heure, le jour de Jumu'ah, et d'attendre d'être exaucé et de ne pas se presser, comme la personne qui fait des du'as puis qui dit « Ah, j'ai fait des du'as mais on ne m'a pas exaucé. » Hein? Et les gens ils s'impatientent et ils cessent de demander. Alors que ils savent pas que il faut toujours continuer d'invoquer Allah et ne pas se décourager, que Allah il va t'exaucer tôt ou tard. Et wala yukrah an yakhussa nafsahu illa fi du'a'in yu'ammanu alayhi. Ici je sais pas qu'est-ce qu'il veut dire exactement. يخص نفسه في الدعاء إلا دعاء يؤمن عليه بل يأتي في الدعاء بصيغة الجمع. C'est ça. Donc quand la personne elle fait l'invocation, elle doit faire elle doit pas faire le dua uniquement pour elle-même, mais c'est bien de faire le dua au pluriel, hein, pour que ça comprenne tout le monde et que ça implique tout le monde. أن لا يخص الداعي نفسه في دعاء يؤمن عليه. Donc si par exemple quelqu'un fait un dua, c'est ça. Si quelqu'un fait un dua et que dans ce dua il fait le dua pour que les gens qui sont derrière lui répondent amin, par exemple dans le qunut, dans le tarawih, lorsqu'on finit à la fin dans le qunut, l'imam fait dua puis les gens répètent amin à la fin. Hein, après le dua. Donc, dans des cas comme ça, la personne, elle doit faire le dua au pluriel pour inclure tous les gens. Elle va pas juste le dire au singulier pour que ce soit uniquement pour elle, mais elle inclut tout le monde en utilisant le pluriel. Donc, c'est ça ce que ça veut dire ici. Et le cheikh, il explique. Hein, le cheikh. Ah oui? Ok, attends un peu, d'accord? Tu peux te retenir un petit peu? Oui? D'accord, on va y aller. Donc, je pense qu'il y a une urgence, donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. On va continuer la prochaine fois, Bidnillah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.